quatre filles du docteur Marsh. Bonjour. En Amérique, vers 1860, ce n'était pas facile pour Meg, Jo, Beth et Amy de vivre sans leur père, parti pour la guerre de sécession, un conflit qui opposait les États du Nord à ceux du Sud. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison, mais l'amour de leur mère leur faisait un peu oublier ces durs moments. Écoutons comment vivaient ces quatre sœurs très différentes les unes des autres. C'est la veille de Noël. Et dans la maison du docteur Marsh, les quatre filles se désolent. Elles n'ont chacune qu'un malheureux dollar en poche. Et elles ont bien sûr envie de tout. Jo, qui est un véritable rat de bibliothèque, se plaint la première. Je suis d'accord de ne rien recevoir de mère ou de vous trois. Mais je tiens à m'acheter des livres. Beth, elle, est si timide que personne ne l'entend murmurer. Et moi, qui voulais m'acheter de nouvelles partitions pour jouer au piano. Assise près du feu, Meg, qui est l'aînée et la plus coquette, secoue tristement la tête, songeant à tous les beaux vêtements qu'elle aimerait s'offrir. En revanche, Amy, la petite dernière, qui passe son temps à dessiner, n'est pas prête à faire le moindre sacrifice. Je vais m'acheter une nouvelle boîte de crayons, j'en ai absolument besoin. Persuadée que sa petite sœur a raison, Jo déclare aussitôt d'un ton vif « Achetons chacune ce qui nous fait plaisir. Nous travaillons assez dur après tout. » À ces mots, des gémissements résonnent dans toute la maison. Meg commence la première. « Quand je pense que je fais la classe à longueur de journée à des enfants insupportables, alors que je rêve de m'amuser. » Jo lui coupe la parole en bougonnant. Mon sort est deux fois plus affreux que le tien. Que dirais-tu si tu devais passer deux heures cloîtrée chez la tante Marsh? Quelle vieille acariâtre! Oubliant sa timidité, Beth rétorque. Croyez-vous que c'est drôle de rester ici, à s'occuper de la vaisselle et du ménage? Mes doigts sont si engourdis que j'ai du mal à faire mes gammes. Amy, elle, trouve que ses sœurs exagèrent. De nous quatre, c'est bien moi la plus à plaindre, car vous n'êtes pas obligée d'aller à l'école. Tout en rêvant des livres qu'elle va s'offrir, Jo s'allonge par terre et se met à siffloter. Mais ses manières ne plaisent pas du tout à Meg, qui prend très au sérieux son rôle de grande sœur. Jo, mais arrête de siffler, on dirait un garçon, et cesse de relever tes cheveux ainsi, tu es une jeune fille. Ah non alors! Je veux pas devenir Mademoiselle Marsh. Porter des robes longues, paraître aussi guindée qu'une reine Marguerite. C'est déjà affreux d'être une fille, alors que tout ce que j'aime, c'est les jeux, les occupations et les manières de garçon. Je meurs d'envie d'aller me battre aux côtés de père, à la guerre. Au lieu de ça, je suis obligée de rester ici, à tricoter, comme une vieille femme impotente. Mais la pendule interrompt Jo dans sa colère. Elle sonne 6 heures et leur mère ne va pas tarder à rentrer de son travail. Aussitôt, Meg met la table, Jo apporte du bois pour la cheminée, tandis que les deux dernières rangent tout ce qui traîne. Il était temps. Vêtue avec élégance d'un manteau gris et d'un chapeau démodé, Madame Marsh pousse la porte. Alors, mes chéris, comment s'est passée votre journée? Venez vite m'embrasser. Tout en se préoccupant de ses enfants, Madame Marsh se débarrasse de ses vêtements mouillés et glisse ses pieds dans des pantoufles bien chaudes. Puis elle s'assoit dans la bergère, prenant Amy sur ses genoux. Les autres tourbillonnent autour d'elle, veillant joyeusement à son confort. Après quelques câlins, Madame Marsh déclare avec une mine réjouie « Mes chéris, après le dîner, il y a une surprise. » Les visages s'illumine aussitôt. Jo, qui a tout de suite compris, s'écrie en lançant sa serviette dans les airs. Oh! Une lettre! Une lettre! Un triple hourra pour papa! Comme si elle tenait un trésor, Madame Marsh déplie délicatement la lettre et la lit, entourée de ses filles. La vie est très dure à la guerre. Il fait froid. Et la nourriture est maigre. Avec un léger tremblement dans la voix, Bette demande « Quand va-t-il rentrer, mère ?»« Pas avant plusieurs mois, ma chérie, à moins qu'il ne tombe malade. » À ces mots, les quatre sœurs se mettent à renifler, tout en se promettant de moins se chamailler et de devenir de vraies jeunes filles pour le retour de leur père. Amy va tenter d'être moins égoïste, Jo moins sauvage, Meg va s'efforcer de moins s'écouter et Bette de travailler sa timidité. Puis, comme tous les soirs avant de se coucher, elles posent leur ouvrage et chantent avec leur mère. Excitée que ce soit enfin Noël, Jo se réveille la première. Elle glisse aussitôt sa main sous son oreiller et en retire un petit livre à la couverture rouge foncé. Puis, elle file souhaiter un joyeux Noël à ses sœurs. Chacune a trouvé sous son oreiller le même petit livre, mais avec une couverture différente. Ce livre raconte une merveilleuse aventure. C'est l'histoire de la plus belle vie jamais vécue. Et Madame Marsh veut que ce soit un modèle pour ses filles. Elle se lève, dévale alors l'escalier 4 à 4 et saute au cou de leur mère pour la remercier. Elle s'apprête à déguster un copieux petit déjeuner quand Madame Marsh les interrompt d'une voix douce. Mes chéries, j'ai quelque chose à vous dire. Une pauvre femme vit non loin d'ici, dans une masure, avec un nouveau-né. 6 autres enfants sont blottis dans un seul lit pour ne pas mourir de froid. Et ils n'ont plus rien à manger. Mes enfants, seriez-vous prêtes à leur faire don de votre petit déjeuner de Noël? Les 4 filles se regardent en silence, car elles se réjouissaient tant de ces mets de fête qui changeaient de leur modeste petit déjeuner habituel. Soudain, Jo rompt le silence. Nous vous accompagnons, mère. Renonçant à ses mets préférés, Amy propose « Moi, je porte la crème et les gâteaux. » Meg et Bette, elles, enveloppent délicatement des galettes de sarrasin et quelques tranches de pain. À peine la famille Marsh passe-t-elle la porte de la pauvre femme que les enfants poussent de faibles cris de joie. Pendant que Madame Marsh fait du feu et l'ange, le bébé, ses filles donnent vite à manger aux plus grands. Ils ont si faim qu'ils avalent leur lait sans respirer et croquent à pleines dents toutes les tartines. De retour à la maison, les 4 sœurs se ruent sur du pain et boivent juste un bol de lait chaud. Le reste de la journée est consacré aux préparatifs, puis à la représentation de la pièce de théâtre, écrite par Jo et jouée par les 4 sœurs devant le public admiratif de leurs petits camarades conviés à ce spectacle palpitant. À peine est-il terminé que leur mère les appelle pour le dîner. Quelle n'est pas leur surprise quand elles aperçoivent le véritable festin qui les attend. Il y a 2 plats de glace, un à la fraise et un autre à la vanille, du gâteau, des fruits, d'alléchants bonbons français et au milieu de la table, 4 gros bouquets de fleurs. Meg déclare aussitôt « Oh, je suis sûre que c'est l'œuvre de maman !» Jo a une autre explication. Ce doit être Tante Marsh qui a fait livrer ce dîner, dans un inexplicable accès de bonté. Esquissant un sourire, leur mère réplique. Ah, vous vous trompez. C'est de la part de notre voisin, Monsieur Lawrence. Vous savez, le grand-père de Laurie. Ce gentleman, quelque peu excentrique, a entendu parler de votre geste ce matin envers cette pauvre femme, et ça lui a plu. Il m'a donc demandé s'il pouvait vous récompenser avec ses friandises. Tout en dégustant une glace, Jo s'empresse de préciser. C'est sûrement son petit-fils qui a eu l'idée d'un tel festin. C'est un garçon formidable et j'aimerais bien qu'on soit amis avec lui. Seulement son grand-père ne l'autorise qu'à faire des promenades à pied ou à cheval avec son précepteur. Quand elle a quelques jours de vacances, Jo les passe toujours dans le grenier. C'est son refuge favori. Et affalée sur un vieux sofa, elle croque des pommes en dévorant des livres. D'ailleurs, elle est si bien plongée dans son histoire qu'elle n'a même pas entendu Meg arriver tout essoufflée et brandissant un carton d'invitation. Jo, regarde! C'est formidable! Nous sommes invités chez Madame Gardiner demain soir pour le jour de l'an. Oh, maman est d'accord pour que nous y allions? Mais qu'allons-nous porter? Quelle question! Nos robes en popeline, bien sûr. Nous n'avons rien d'autre. Oh, si seulement j'avais une robe en soie, mère m'a dit que j'en aurais une pour mes 18 ans. 2 ans encore à attendre, quelle éternité! Agacée par la coquetterie de sa sœur, Jo l'interrompt. La popeline vaut bien la soie. La tienne est presque neuve. Et la mienne... Oh! J'avais oublié qu'elle a une brûlure dans le dos. Comment faire? Tu n'auras qu'à rester le plus souvent possible assise et t'appliquer à cacher ton dos. Et surtout, Jo, promets-moi une chose. Tâche de te conduire comme il faut à cette soirée. Ne dis pas de gros mots. Le lendemain soir, tout le monde s'affaire dans la maison. Bette et Amy servent d'habilleuses, tandis que Jo essaie de boucler les cheveux de Meg. Hélas, elle fait trop chauffer le fer à friser et brûle les plus belles mèches de sa sœur. Enfin, après plusieurs mésaventures, Meg et Jo se présentent à leur mère, tourbillonnant de bonheur dans le salon. Meg a des escarpins trop serrés et Jo a la désagréable impression que les multiples épingles qui maintiennent sa coiffure sont plantées tout droit dans son crâne. Mais aucune ne souffle mot, persuadée qu'il faut souffrir pour être belle. En arrivant à la soirée, Meg rappelle à sa sœur. Surtout, n'oublie pas de cacher le dos de ta robe. Maintenant, tiens-toi droite. Marche à petits pas et je t'en prie, abstiens-toi de serrer la main des gens qu'on te présente. Ça ne te fait pas. Comment t'y prends-tu, Meg, pour connaître toutes les bonnes manières? Moi, j'y perds mon latin. Reconnaissant quelques amis, Meg se sent très vite à l'aise. En revanche, Jo n'a que faire de la compagnie des filles et de leur bavardage. Plaquée contre un mur, elle se sent aussi à sa place qu'un poulain dans un massif de fleurs. Meg est très vite invitée à danser. Quant à Jo, au moment où elle aperçoit un jeune homme s'avancer vers elle, elle se glisse dans un recoin de peur qu'il ne l'invite aussi. Malheureusement, l'endroit est déjà occupé et Jo se retrouve nez à nez avec Laurie, le petit-fils de son voisin. Un peu intimidée, elle le remercie du délicieux dîner du soir de Noël, mais le jeune garçon la met tout de suite à l'aise et lui demande « Aimez-vous danser ?» Oui, mais seulement quand il y a beaucoup de place. Dans un endroit comme celui-là, je suis sûre de renverser quelque chose. Jo et Laurie ont tant de plaisir à observer et à critiquer les autres qu'ils ont très vite l'impression d'être de vieux amis. Et c'est tout naturellement qu'ils dansent une polka effrénée dans leur coin écarté où, selon les souhaits de Jo, il y a beaucoup plus de place. Hélas. Depuis cette fameuse soirée, personne n'a de nouvelles de Laurie. Jo, qui le sait timide, décide de provoquer une rencontre. Quand elle voit son grand-père partir de chez lui, elle enfile alors son manteau, sort vite dans le jardin et va jusqu'à la haie. Là, elle fait une boule de neige et la lance à la fenêtre de la chambre du jeune garçon. Et aussitôt, la tête brune toute bouclée de Laurie se montre. Avec un large sourire, Jo lui crie « Comment allez-vous? Vous avez l'air souffrant. » « Oui, mais ça va mieux. J'ai attrapé un gros rhume et je suis cloîtrée à la maison. Vous avez des distractions au moins? » « Aucune. Oh, c'est triste à mourir ici. » « Eh bien, j'ai une idée. Acceptez-vous que je vienne vous tenir compagnie ?» Tout heureux d'avoir de la visite, le jeune garçon a soudain moins mal à la tête. Il brosse soigneusement ses cheveux et range vite sa chambre. Car malgré les six domestiques employés par son grand-père, c'est un vrai Capharnaüm. À peine Jo est-elle conduite à la chambre de Laurie qu'elle remarque quelques livres. Tentée, elle lui propose. Voulez-vous que je vous fasse la lecture? Je préférerais bavarder, si ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Mais pas le moins du monde. D'ailleurs, Bette dit toujours qu'une fois lancée, on ne peut plus m'arrêter. Bette, c'est celle qui a les joues roses et qui reste souvent à la maison, je crois. Et celle qui est jolie, c'est Meg. Et celle avec les longues boucles, c'est Amy, n'est-ce pas? Étonnée de tant de précision, Jo lui demande « Comment savez-vous tout ça ?» Laurie devient tout rouge, puis répond « Eh bien, je vous entends souvent vous appeler. Quand je suis tout seul ici, je ne peux m'empêcher de regarder chez vous. Vous avez l'air de tant vous amuser. Pardonnez mon impolitesse, mais vous oubliez parfois de tirer le rideau à la fenêtre et je vous vois toutes les quatre avec votre mère. » Elle a l'air si douce, votre mère. Je n'ai plus ma mère, vous savez. À ces mots, Jo comprend davantage quelle chance elle a d'être comblée d'affection. Même si parfois ses sœurs et elle se plaignent de manquer d'argent. Très émue, elle lance à son nouvel ami. Nous ne tirerons plus jamais ce rideau. Ainsi, vous pourrez nous voir autant que vous le désirez. Mais j'espère quand même que vous nous rendrez visite. Pensez-vous que votre grand-père accepterait? Oui, si votre mère le lui demande. Vous savez, sous ses dehors bourrus, il est très gentil. Seulement, il veut que je travaille dur. D'ailleurs, il a engagé un précepteur, M. Brooke, pour m'instruire. Et vous? Vous aimez l'école? Je n'y vais pas. Je suis obligée de travailler pour rapporter un peu d'argent à la maison. Je m'occupe de ma grand-tante, une vieille dame pas commode. Connaissant son goût pour les livres, Laurie emmène Jo dans la bibliothèque de son grand-père. Impressionnée par la quantité d'ouvrages, Jo ne peut s'empêcher de les contempler affalés dans un fauteuil. Soudain, la sonnette de l'entrée retentit. La jeune fille se lève d'un bond, s'exclamant avec inquiétude. « Oh, Laurie ! C'est votre grand-père! Mais qu'avez-vous? Ne disiez-vous pas que vous n'aviez peur de rien? » Tandis qu'il rassure Jo, Laurie est soudain appelée par un domestique. Le docteur vient d'arriver et doit lui administrer sa dernière piqûre. La jeune fille reste donc seule dans la bibliothèque, admirant un magnifique portrait de M. Lawrence. Et elle en fait un commentaire à voix haute. Ah, oh, maintenant je sais que je n'ai pas à le redouter, car il y a de la bonté dans son regard, malgré sa bouche sévère. Oh, il n'est pas aussi bel homme que l'était mon grand-père à moi, mais je l'aime bien quand même. Merci, madame. Oh, en entendant cette voix bourrue, Jo se retourne vivement et se retrouve nez à nez avec le modèle du tableau, le grand-père de Laurie, en personne. Plongée dans sa contemplation, en effet, la jeune fille n'a pas entendu la porte de la bibliothèque s'ouvrir. Après un terrible silence, le vieux monsieur prend la parole. Alors, comme ça, vous ne me redoutez pas? Pas beaucoup, monsieur. Et à votre avis, je ne suis pas aussi bel homme que votre grand-père? Pas tout à fait, monsieur. Le vieil homme se lisse un instant les moustaches, puis ajoute. Mais vous m'aimez bien quand même. Oui, monsieur. La réponse de Jo plaît au vieux gentleman. Il laisse échapper un petit rire et serre la main de la jeune fille. Puis il la prend par le menton, lève son visage et l'examine longuement avant de poursuivre. Oh, vous ne ressemblez pas à votre grand-père. Mais vous avez hérité de son caractère. Au fait, que fabriquiez-vous ici avec mon garçon? Vous pensez qu'il a besoin de distraction, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il a l'air un peu seul. Aussi, je me permets de vous demander s'il peut venir jouer chez nous. Vous avez raison, mon enfant. J'ai couvé ce gamin comme une mère poule. Puis, entendant la pendule sonner, le gentleman propose à Jo. Ah, c'est l'heure du thé, mademoiselle. Donnez-moi le bras et accompagnez-moi au salon. Et quand Laurie redescend de sa chambre et franchit la porte du salon, il s'arrête net. Jo est bras dessus, bras dessous, avec son redoutable grand-père. De retour chez elle, Jo raconte tant et si bien ses aventures de l'après-midi que toute la famille March n'a qu'une envie, rendre visite à ses voisins. Faisant de plus en plus connaissance avec les filles March, Laurie se comporte peu à peu en frère. Et le vieux gentleman s'émeut de les voir s'amuser tous ensemble dans le grand salon. Seul, Monsieur Brooke s'inquiète, car son élève pense de moins en moins aux études.